Junglia, plein de rappeurs. Péons sans contrat, une multitude de jeunes, Fracada et DDA, Delopsa, sans émoi. Quand ils écoutaient putain de crew, sorti de Beyrouth, rempli de Alfred à signer, coûte que coûte. Ils les baissent, yes, sur leur point d'aise, leur synthèse roule, reste de noblesse. Mais laisse la réalité sous forme de messe, laisse l'homme perplexe afin qu'il encaisse. Devant nous dîner pour graver nos discours, vas-y branche mon chou, l'indépendant fou. Car le rap paye aujourd'hui des millions, et ces millions sortent du sillon en qui ont ces millions. Voici l'indépendant qui court, qui blesse, mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paix content, je suis indépendant. Voici l'indépendant qui court, qui blesse, mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paix content, je suis indépendant. Que les bébés se lèvent, voilà nos grèves. Que les MC se lèvent, les DA en grève. On fait pimpon du fond des bas-fonds, les MC glaçons fondront en un temps. Tu déjeunes, mais la file indienne augmente sans cesse de jeunes. Et si t'as pas bien compris, écoute ceci, le rap c'est comme un Uzi. Y'a pas souci pendant que tu rigoles, nous on caracole et nos queues d'exploser pas. Façon missile sol sol, Ernick ton indépendant, pour la vie indépendant. Je suis une gerbe qui n'aurait jamais dû fleurir, un fruit exotique qui n'aurait jamais dû mûrir. Alors pour tous ceux qui sont dans l'underground, l'underground, voici l'indépendant. Mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paye content, je suis indépendant. Voici l'indépendant qui court, qui reste. Mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paye content, je suis indépendant. Voici l'indépendant qui court, qui reste. Mais cependant, ceci est pour tous les jeunes qui ont du répondant. Paye content, je suis indépendant. Voici l'indépendant. Mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paye content, je suis indépendant. Voici l'indépendant qui court, qui baisse. Mais cependant, ceci est pour les jeunes qui ont du répondant. Paye content, je suis indépendant. Voici l'indépendant qui court, qui baisse. Mais cependant, ceci est pour les jeunes. Je suis indépendant, indépendant, indépendant.